le siège de la véritable existence de Crevel, autrefois rue Notre-Dame de Lorette, chez Mademoiselle Héloïse Brisetout, était transféré, comme on l'a vu, rue Chauchat. Tous les matins, l'ancien négociant, tous les bourgeois retirés s'intitulent ancien négociant, passait 2 heures rue des Saussées pour y vaquer à ses affaires et donner le reste du temps à Zahir, ce qui tourmentait beaucoup Zahir. Orosmane Crevel avait un marché ferme avec Mademoiselle Héloïse. Elle lui devait pour 500 francs de bonheur tous les mois, sans report. Crevel payait d'ailleurs son dîner et tous les extras. Ce contrat à prime, car il faisait beaucoup de présents, paraissait économique à l'examen de la célèbre cantatrice. Il disait à ce sujet aux négociants veufs, aimant trop leur fille, qu'il valait mieux avoir des chevaux loués au moins qu'une écurie à soi. Néanmoins, si l'on se rappelle la confidence du portier de la ruche au chat au baron, Crevel n'évitait ni le cocher, ni le groom. Crevel avait, comme on le voit, fait tourner son amour excessif pour sa fille au profit de ses plaisirs. L'immoralité de sa situation était justifiée par des raisons de haute morale. Puis l'ancien parfumeur tirait de cette vie, vie nécessaire, vie débraillée, régence, pompadour, maréchal de Richelieu, etc., un vernis de supériorité. Crevel se posait en homme à vue large, en grand seigneur aux petits pieds, en homme généreux, sans étroitesse dans les idées, le tout à raison d'environ 1200 à 1500 francs par mois. Ce n'était pas l'effet d'une hypocrisie politique, mais un effet de vanité bourgeoise qui néanmoins arrivait au même résultat. À la bourse, Crevel passait pour être supérieur à son époque et surtout pour un bon vivant. En ceci, Crevel croyait avoir dépassé son bonhomme Birotteau de 100 coudées.